Bonsoir. Emeline, on va dire la même chose qu'on vient de dire à Andrea qui avait juste avant toi. Félicitations déjà pour ce maintien. Fallait le faire et c'était vraiment pas gagné. La goleador. Ouais. 5 buts sur les 5 derniers matchs, c'est ça? Alors voilà, on va parler un petit peu de toi un peu plus en détail, oui, mais déjà voilà, la vache. Ben, je vous remercie en tout cas, parce que c'était, comme vous dites, c'était pas facile, mais avec l'équipe, on y a cru jusqu'au bout. Donc c'est vraiment un état d'esprit, notre aspect psychologique qui nous a permis en fait d'aller jusque-là, d'aller chercher les plus gros matchs, enfin les résultats sur les plus gros matchs en fait. Puis... À titre personnel, quand même, c'est quand même assez exceptionnel ce que tu as fait à Bordeaux. Tu es arrivé fin février en provenance de Montpellier, c'est ça? C'est ça. Et tu as marqué 5 buts sur les 5 derniers matchs. Merci, bonsoir, à l'année prochaine. Je pense qu'aussi c'est le fait de m'entraîner, de m'avoir entraîné avec la D1 à Montpellier. C'est quand même quelque chose de bien en fait, de positif, parce que ça m'a préparé quand même au niveau, même si je ne jouais pas. Et puis après, le temps de prendre confiance, et puis le groupe qui était assez bien. Et puis voilà, j'aime marquer des buts. J'adore marquer, j'ai envie de marquer des buts. Et prouver aussi que j'ai des qualités, que j'ai ma place en D1. Voilà, j'avais tout à prouver, et puis il y avait beaucoup de gens à montrer, et puis j'avais juste envie de jouer au football. C'était quand tu viens en février, tu viens dans cet état d'esprit-là de prouver en division féminine que tu es au niveau, que tu es prête à ce niveau-là. Et ouais, surtout à moi-même aussi, parce que je sentais que j'avais la possibilité de pouvoir faire quand même quelque chose de bien. Dans mon ancien club, mais bon, ça n'a pas été le cas. Donc j'ai dit que j'allais partir et que je partais. Du coup, aucun regret. Aucun regret, du coup. C'est que du bonheur. Comment? Excusez-moi. C'est que du bonheur, du coup. Aucun regret. Oui, c'est que du bonheur. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire et quelque chose d'exceptionnel pour moi. Alors, que l'équipe a fait. Alors je suis désolé, j'ai pas entendu le dernier échange que tu as eu avec Cyril. T'es transféré définitivement au Girondin? Il n'y a pas de transfert. Il n'y a pas de transfert. C'est des mutations. Tout à fait. Non mais donc, oui, mais il ne repart pas non plus. D'accord. Alors la vraie question, c'est toujours l'envie de rester à Bordeaux l'année prochaine en Ligue 1 ou parce qu'on sait que c'est un peu délicat, on a eu Elisa Lodé qui était avec nous, qui nous disait aussi qu'il y avait les projets professionnels, etc. de toute sa vie, donc c'est un peu difficile de se dire on va rester aller dans tel club. Toi aussi tu as ton projet professionnel qui pourrait t'amener à rester ou à partir, comment ça va se passer pour toi l'an prochain? Ben oui, mais j'ai déjà vu avec l'ensemble du club, de l'administration. Et côté scolaire, ce que je veux faire, ce que je veux entreprendre plus tard, je peux le faire un peu partout. Mais c'est vrai qu'à Bordeaux, ils ont ce projet aussi de permettre aux joueuses de pouvoir faire les deux. Donc c'est vraiment important pour moi parce que je sais bien que dans le football féminin, on peut pas vraiment vivre. Pas encore. Allier les deux, c'est compliqué. On espère qu'il y arrivera. Bordeaux c'est quand même un club qui propose en fait un encadrement pour permettre quand même une insertion dans la vie professionnelle. Ok, et alors on va rentrer dans le dur parce que c'était quand même hier, c'était ça que vous avez vécu, c'est ce pari. Alors on a eu tout à l'heure une de tes compères. Le voyage, l'aller, est-ce que toi tu peux nous dire comment t'as ressenti l'avant-match et ton après-match après le fait que vous soyez maintenu? Quand on est parti, franchement j'ai trouvé que l'équipe était sereine. De toute façon on savait que c'était notre dernier match, donc on voulait tout prendre plaisir et faire quelque chose de bien. C'est-à-dire montrer qu'on peut jouer au foot et on sait que Paris c'est une très grosse équipe, mais on a joué avec nos moyens. Donc franchement une atmosphère assez professionnelle, assez calme. Et c'est ce que j'ai retenu de. Ah, vas-y, Adrien. Il faut savoir que c'est une joueuse qui est encensée par son entraîneur qui a dit récemment c'est une fierté parce qu'en plus, c'était après le match de Paris, quand on voit l'équipe alignée par Paris, On a de quoi être satisfait, d'autant plus satisfait quand c'est Goutia Karchouni et Emeline Laurent, deux filles que j'ai fait venir à la trêve. Je suis content, ça veut dire que mes choix de les faire venir sont payants aujourd'hui. Il y en a une pour laquelle ça s'est moins bien passé quand même. Mais il y a à jouer. Et puis c'est pour ça qu'on les avait fait venir, parce qu'on savait qu'à un moment donné, elles nous permettraient de nous maintenir. Et avec les 5 buts que tu as marqués sur les 5 derniers matchs, il avait raison. Emeline, est-ce que quand tu arrives à Bordeaux, tu t'espérais faire... Alors évidemment, tu vas t'espérer... T'es vraiment surpris par ce que t'as réussi à faire à Bordeaux, ou même le coach attendait vraiment ça de toi, ou tu t'es retrouvé comme ça, un petit peu explosé sur moins d'une demi-saison, parce que t'es quand même jeune, hein, pour les gens qui nous écoutent, qui savent, quand t'as 18 ans, c'est quand même très jeune. C'est ça. Mais tu t'étais vraiment, tu te disais, mais je sais que je peux, voilà, que je peux y arriver, ou... Absolument. Ouais. Parce qu'en fait, je vais vous mentir, quand je suis partie, j'avais toujours cette angoisse, cette appréhension de me dire que est-ce que j'ai fait le bon choix. Mais quand je me suis retrouvée dans le groupe et que j'ai vu que ça se passait bien, j'ai pris confiance. Et quand on prend confiance en soi, on fait d'énormes choses. Et déjà, mon premier match m'a mise en confiance, parce que j'ai vu qu'en fait, j'avais la possibilité de faire des choses de bien. Je ne dis pas que j'allais faire des matchs exceptionnels sur tous les points, mais en tout cas, apporter un plus à l'équipe, en fait. Et quand j'ai vraiment pris confiance en moi, je me suis lâché et ça a payé. Emeline, comment tu définirais ta position préférée sur le terrain ? Est-ce que c'est attaquante axiale, ou plus une ailière qui a tendance à rentrer vers les buts ? Parce qu'il me semble que tu as une très très grande vitesse. Oui, très rapide. Être sur un côté. Mais selon, après, je vais pas me plaindre. Dès que je joue, en fait, ça me dérange pas, mais je préfère être sur un côté. Parce que je me sens mieux. En fait, c'est que j'ai tellement l'habitude de jouer sur un côté que dans mes déplacements, même quand je suis dans l'axe, en fait, j'ai un peu de mal, mais je pense que tactiquement, je vais encore le travailler. Que ça viendra plus tard. Voilà, je pense aussi. Après, c'est dans ce point de vue tactique, mais après, dès que je suis devant ou sur un côté, ça me dérange pas. Il y en a un qui te compare à Elodie Thomis, mais en plus technique. Ça te plaît comme comparaison? oui et non, parce que c'est vrai qu'Elodie Thomis, elle est très rapide, mais des fois il y a des problèmes. Ils vont me démarrer. Il te dit que t'es une future grande joueuse, te le souhaite en tout cas. Le Thierry Henry féminin. Ouais. C'est ça, Thierry. Dès qu'il y a un ailier qui marque. Ça me plaît d'être comparé quand même à une joueuse qui a un palmarès quand même impressionnant. Elodie Thomis, quand même, elle a remporté beaucoup de titres. Et puis j'aimerais aussi que plus tard, pourquoi pas, on me compare à. Qu'on compare quelqu'un d'autre avec moi. Donc moi je suis vraiment flatté, en fait. Ah, puis le petit but que tu mets à Marseille, la petite course en profondeur, t'évites le tacle de la Marseillaise qui était chargée de te rattraper, le petit plat du pied, hop, tranquillou bilou à droite. Ça rappelle certaines choses. Cyril, Marc, un et deux. Marco. Oui, tu viens de Montpellier. Ça représentait quoi pour toi Bordeaux ? Parce que Bordeaux, autant on va dire un nom du côté des hommes, mais Bordeaux, l'équipe féminine, elle existe depuis l'année dernière avec un rapprochement de Blanquefort. De Blanquefort, c'est ça. Voilà. Quand tu arrives à Bordeaux, Bordeaux pour toi, c'est quoi ? Ben, sincèrement, moi, c'est la notoriété du club en général, en fait, qui m'a... Je me suis pas dit la section féminine c'est un petit de Bordeaux. J'ai contacté en fait Ulrich Ramé. On en a discuté et son projet en fait était vraiment réel. Il y avait un réel investissement aussi pour la section féminine. Donc c'est ce qui m'a fait en fait qui m'a penché sur ce club. Et connaissant aussi la notoriété aussi de l'équipe masculine, j'ai su que ce serait quand même. Ça aurait pu être mon choix et ça l'a été, donc je suis très content. C'est bien. Est-ce que tu as une joueuse à qui t'inspire C'est la question pourrie d'Adrien, on peut faire ça. Non, mais eh bien, on le demande pour les joueurs de foot, pour les mecs, on peut demander pour les filles. Si elle a une joueuse qui l'inspire, vu qu'on a parlé d'Elodie Thomis, tu en as peut-être une autre à qui est française ou même étrangère. Alors. Je vais vous parler. Enfin, en fait, oui, il y a plusieurs joueuses. Il y en a trois exactement. Alors une là, c'est Wendy Renard parce que c'est une Martiniquaise et elle est sortie aussi de mon île. C'est quand j'ai vu comme la façon dont elle est sortie de la Martinique, et elle s'est créée un nom dans l'histoire, dans l'histoire du sport, du football, l'équipe lyonnaise et qu'elle est allée au plus haut niveau. Ouais, c'est un exemple. Avec un palmarès, voilà, c'est un exemple. J'ai toujours rêvé de faire une carrière, donc ouais, c'est vraiment un exemple pour moi. Ensuite, j'aime bien Carly Lloyd. Ah oui, voilà, ouais, c'est quelque chose. Ouais, c'est une chose exceptionnelle, quand même, je trouve. Et puis, sa détermination, son abnégation aussi, c'est ce que j'aime chez elle. Puis c'est Et la trois... Comment chose, mais... Tu sais l'attendre. Tout le monde dit oui. Je suis persuadé. Alors, moi, personnellement, alors, Amine, tu dis, je t'explique. Moi, j'ai trois mecs autour de moi. Sorti des Girondins masculins, si tu veux, ils connaissent rien. Je la connais. Ou pas grand chose, à part le McDo, le kebab et deux, trois trucs. Mais sinon, ils connaissent. Manchester City. Voilà. Mais les gars, il suffit juste de regarder une Coupe du Monde féminine. Vous m'avez demandé les noms, du coup. Non, alors honnêtement, t'as très bien fait. Ah non, c'est bon. C'est au contraire, t'as très bien fait. C'est juste que j'ai deux incultes. Moi, je la connais. Ouais, deux incultes et demi avec moi, c'est une catastrophe, quoi. Et non, troisième, il manque la troisième. Enfin, en termes de palmarès, déjà, les deux qu'elle a cité, Emeline, oui. C'est. Et donc, la troisième doit être pas mal aussi. C'est référence. Oui, sur la troisième, Emeline, pardon. La troisième joueuse, j'ai cité une grande attaquante, c'est Eugénie Le Sommer. Ah oui. Ça, je connais. Ah ouais. Merci. C'est vrai que c'est quand même trois joueuses, c'est quand même des références. Enfin, c'est plus que des références, même, que ce soit Wendy Renard. Après, il y en a une autre que je suis en train d'aimer aussi, c'est Christiane, par rapport à son football. Alors, je vais faire une vanne. On va pas se mentir. Je vais faire une vanne que je vais être le seul à comprendre, Christiane l'esthéticienne. Voilà, ça, c'est pour ceux qui ont vu les Bronzés fonds du ski. Moi, je pensais que tu allais parler d'Andrea Lardès qui te souhaite un bon anniversaire. Ah oui, voilà. On avait Andrea juste avant toi. On lui a demandé si elle avait un message à te faire passer. Elle nous a dit souhaitez-lui un bon anniversaire. C'est pas aujourd'hui, mais elle va comprendre. Oui, j'ai tout à l'heure. Donc apparemment, t'es à une soirée d'anniversaire. Non, c'est une très longue histoire, mais oui, très bien découvert. La prochaine, parce que là, on enchaîne. On a eu André avant toi. On va avoir dans quelques instants, si je dis pas de bêtises, Chloé Moustaki et Léa Manon. Est-ce que t'as un message pour celle qui va te succéder, c'est-à-dire Chloé? Oui, ou pas. Alternatif. Alors. On lui dit quoi? Après, j'aimerais la remercier pour la saison qu'elle a effectuée déjà, parce que c'est une bonne joueuse et j'espère qu'elle va continuer en Irlande et que je viendrai la voir là-bas. Ne l'ai pas oublié. Parce qu'elle est, faut pas oublier, elle est irlandaise, capitaine des U19 irlandais. Tout à l'heure, si c'est vraiment fini cette année. On lui demandera tout à l'heure. Prépare les billets, j'arrive. Non, mais en même temps, je te comprends, c'est sympa l'Irlande pour partir en vacances et voyager, c'est un beau pays. Non, on va revenir quand même un petit peu à Paris parce que j'ai laissé mes compères partir loin. Mais au final, vous aviez un match dont beaucoup pensaient que c'était fini il y a trois matchs. Vous avez réussi l'impensable chez beaucoup. Comment vous avez vécu? C'est quoi le sentiment qu'on a juste à la fin du match? C'était irréel. C'était quelque chose d'assez impressionnant, incroyable, je dirais même. Parce que on part de très loin, surtout face à une grosse équipe, elles nous ont dominé toute la première mi-temps. Et déjà marqué ce premier but, c'est une libération. Et le deuxième, c'était vraiment la bougie sur le gâteau, on va dire. C'était... La cerise sur le gâteau. Non, mais on avait compris. On va pas le. C'était un gros gâteau. L'anniversaire. Là, c'est l'anniversaire que t'as en tête ou c'est encore la fête de hier? Ou c'est la cerise? Je sais plus du tout où j'en suis. Oui, donc elle disait c'est la cerise sur le gâteau. Voilà. Okay. Pour terminer, quelqu'un, Marc? La question qu'on a oublié de poser tout à l'heure, parce qu'elle était un peu plus vieille que le reste des effectifs, donc là, comme on a des jeunes. Un peu plus vieille, elle avait 23 ans. C'était pour la bientôt nous quitter. Vous avez quand même bien fêté ça, j'espère, hier. Elle est à Paris. Ah oui. Oui. Ouais, mais parce que. Je suis restée à Paris, mais j'ai eu quand même les retours, les snaps des filles qui m'ont envoyé des snaps. De loin, j'étais là, mais c'était vraiment exceptionnel. Elles ont passé un super moment aussi. Bah écoute, Andrea, elle pouvait plus trop parler, donc apparemment ça s'est bien passé. Ouais. On va juste pour terminer Cyril ou pas, et puis après on va se quitter là-dessus. C'est juste pour te, voilà, pour te réinviter pour l'année prochaine, pour la saison prochaine. On est évidemment juste à côté de, du stade de Blanquefort, donc on les invite toutes au studio. Mais, vous venez toutes, il n'y a pas de problème, on est juste à côté de... On est juste à côté de l'autre. Merci, mais ça marche pour toi et ça marche pour les trois autres d'avoir été disponible comme ça, parce que tout s'est organisé dans la journée. On voulait vous rendre hommage. On sait que c'est pas facile comme ça de répondre oui à une invitation en si peu de temps, mais on voulait vraiment vous rendre hommage parce que on sait que le football féminin n'est pas forcément la chose la plus mise en avant, mais vous méritez autant d'éloges que ce que les garçons peuvent permettre. C'est vrai. Et juste pour le dire, on n'a pas forcément le temps de tout le temps suivre tout le foot des Girondins parce que ça va très loin, CCF, etc. Mais vous, personnellement, moi, vous m'avez donné envie de vous suivre l'année prochaine avec beaucoup plus d'attention que ce que ça a pu être cette année. Et je dois avouer que hier, on était en train d'actualiser la page Twitter des Girondins pour voir le score que vous faisiez. Et les 5 dernières minutes ont été intenables pour vous sur le terrain, mais pour nous aussi, ça n'a pas été très simple. Surtout qu'on n'avait aucune image, on voyait pas d'image, on avait passé. Donc voilà, et félicitations. Les 5 dernières minutes, c'était. Ouais, très sain. Ça doit être interminable. Ouais. En tout cas, encore merci déjà Emeline d'avoir accepté notre invitation. Félicitations vraiment pour le maintien. Qu'on continue et continuez, toi et tes collègues, à porter fièrement le maillot marine et blanc. Vous le méritez tout autant que vos collègues masculins. Un contrat pro, voilà. On va leur dire tout. Ouais. C'est ça, en fait, le Géant Awards. En fait, la question que personne ne se pose, c'est que méritent les féminines. Un contrat pro. Propositions, un contrat. Merci beaucoup Emeline, bonne soirée à toi, bonne intersaison, bonnes vacances. Et bonnes vacances. C'était bien. À l'année prochaine. À l'année prochaine. Merci Emeline. Ciao.